Bienvenue à Futur Simple sur CKRL au 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Je suis certain que toutes les personnes qui nous écoutent présentement ont eu l'occasion, au moins une fois dans leur vie, de se retrouver dehors la nuit par un ciel dégagé, loin des grandes villes, à observer la voûte céleste dans toute sa splendeur et son immensité. Et je suis aussi convaincu que tous ont eu la surprise de constater à quel point le ciel était chargé d'étoiles. Alors ce soir, en compagnie de Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval, on va tenter de répondre à la question « Combien y a-t-il d'étoiles dans l'univers? » Alors bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi François. Alors on va commencer par une question plus simple. Combien y a-t-il d'étoiles visibles à l'œil nu à partir de la Terre? Une bonne question si on se limite en fait à mettre certaines restrictions, c'est-à-dire qu'il faut être dans un site loin des villes, parce que dans la ville, vous le savez bien, si on voit le soleil, on est déjà chanceux. dans des conditions de ciel très noir, loin des villes, et généralement aussi, si on est encore plus sévère, plus exigeant, loin des régions polaires, parce que la lumière de l'atmosphère générée par des phénomènes reliés aux aurores boréales rend le fond de ciel un peu lumineux. Donc, on en voit moins. En gros, là, on voit à peu près, de chaque hémisphère, environ 2000 étoiles à l'œil nu. Plus. Les gens s'imaginent qu'on en voit des millions, tant mieux, mais notre œil est quand même pas un instrument très sensible. Donc, entre l'étoile la plus brillante qu'on voit, d'ailleurs, qui est visible maintenant en regardant vers l'est, qui est Sirius, une étoile un peu bleutée à ce temps-ci de l'année, jusqu'au plus faible que ceux et celles qui ont les meilleures vues nocturnes, qui sont à peu près une centaine de fois plus faibles. Vous voyez, de chaque hémisphère, à peu près 2000 étoiles. Les gens qui ont une très bonne vue peuvent en voir jusqu'à 6000 en couvrant les deux hémisphères. Mais dans une hémisphère, qu'est-ce qu'on entend? Parce que dans le fond, moi, quand je vais, en hiver à minuit, j'ai l'impression que, mettons, en haut d'une montagne, par exemple, j'ai l'impression que je vois vraiment la moitié. Est-ce que je vois vraiment la moitié du ciel? Oui, vous voyez à peu près la moitié du ciel. Donc, chaque fois que vous vous déplacez à la surface de la Terre, vous allez voir la moitié du ciel. Si vous êtes à l'équateur, vous allez voir, en fait, une drôle de moitié de ciel qui est pas tout à fait correspondant à celle que votre moitié, mais en gros, avec la rotation de la Terre, vous êtes limité à la même moitié tout le temps. Et avec la Terre qui tourne autour du Soleil, il y a une partie du ciel qui on ne voit pas parce que le Soleil est tellement éblouissant qu'on ne voit pas les lumières. Donc, il faut attendre un an pour voir toutes les étoiles visibles à partir d'un hémisphère. Mais quand je dis 2000, c'est une moyenne faite sur l'année. Donc, vous êtes au sommet d'une belle montagne, comme vous avez décrit. Et là, si vous vous mettiez à les compter, toutes celles que vous voyez, comptées minutieusement, vous en compteriez à peu près 2000. Et je posais la question parce que quand on regarde les constellations sur un cherche-étoile, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de zone oblique, en fait, non pas mais ovale, dans laquelle on voit des étoiles. Est-ce que ça dépasse cette région-là ou pas? En fait, ce qu'on voit dans un cherche-étoile, c'est qu'en fait, sur toute la voûte céleste possible à voir dans un hémisphère comme le nôtre, pendant une période qui correspond à la révolution complète autour du Soleil, il y a un an, la zone qui va être en forme d'œuf à peu près, c'est ça. Sur le cherche-étoile, c'est ça vous limite aux étoiles que le Soleil n'est pas là pour nous éblouir et empêcher. Donc, ce sont les étoiles de la nuit. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est une zone toujours isolée et qui va bouger en fonction de l'année. Vous allez faire le tour du cherche-étoile en fonction de l'année. Et cette zone-là, on pourrait dire qu'elle correspond grosso modo peut-être à la moitié de l'hémisphère? Oui, en gros, à peu près. Mais en fait, si vous aviez comme 12 heures, si vous observiez le ciel ce soir, et même à ce temps-ci, la nuit est beaucoup plus longue que 12 heures. Oui, tout à fait. Donc, vous allez voir le matin des étoiles qui vont correspondre à les étoiles que vous verriez le soir dans 6 mois à peu près. Ah oui, oui, donc, oui. Donc, c'est par notre évolution autour du Soleil. Donc, on a une perspective différente. Donc, rappelez-vous quand même, avec ce que j'ai dit, localement, la Terre sous nos pieds cache l'autre hémisphère, entre guillemets. Mais en termes de saison, le Soleil, par son éblouissement, nous cache une moitié de la voûte céleste. C'est un fait. Donc, vous avez dit qu'on voyait finalement au global à peu près 4000 étoiles. Oui, mais c'est à l'œil nu. Dès que vous prenez des jumelles, vous avez remarqué que dans un champ, vous allez voir, là, vous allez avoir à peu près 100 000 étoiles avec une bonne paire de jumelles. Tout d'un coup, si vous vous mettiez à compter tous les champs que vous observez. OK. Donc, en fait, ma question, c'était que, en fait, comment, vous avez parlé d'une valeur estimée. Est-ce que l'estimation se fait à partir d'une observation qui a été exécutée sur une surface de ciel d'un degré par un degré, par exemple, et qui a été extrapolée sur l'ensemble? Oui, en gros, la méthode que vous décrivez, François, est une méthode qui existe depuis le temps des Grecs. Et quand on veut échantillonner des grands nombres, comme on fait des comptes de foule dans la police de l'école, on compte pas chaque individu, on prend une photo et on estime tout. Et on sait que sur les bords de la foule, il y a un peu moins. Donc, on fait des extrapolations à partir de comptes très précis dans des régions très ciblées. Et comme ça, on arrive à des comptes dépendants de la puissance des télescopes. Okay. Et de ça, on va dériver, par exemple, que dans notre propre galaxie, la Voie lactée, avec un puissant télescope, et si on élimine aussi, entre guillemets, l'effet de la poussière qui nous empêche de voir loin, qui bloque la lumière des étoiles lointaines, on estime qu'il y a à peu près de l'ordre de 200 milliards d'étoiles dans notre propre galaxie. Okay. Donc, on n'en voit qu'une petite fraction. Oui, effectivement. Et lorsqu'on regarde la voûte céleste, on voit des patterns. En fait, on fait des associations d'étoiles parce que elles sont disposées d'une certaine façon ou parce qu'elles ont des luminosités semblables et aussi parce qu'elles nous rappellent soit des choses ou des objets qu'on connaît. Comme la Grande Ours, par exemple. Oui, la Grande Ours. Oui. Oui, effectivement. Pour les Anglais, c'est le Big Dipper. Pour les Américains, c'est le Big Dipper. C'est les Anglais, c'est le plow. C'est le plow. C'est la charrue. La charrue? Oui. OK, donc, pourtant, ça n'a rien à voir avec... Mais quand même, la Grande Ours, c'est un bel exemple parce que c'est une constellation qui se retrouve avec le même nom dans plusieurs civilisations. Uh-huh. Parce que le nom des constellations, il nous vient des sociétés antiques, de la Mésopotamie, avec des influences égyptiennes, etc. Mais en fait, une constellation, comme la Grande Ours ou encore comme Cassiopée, en fait, c'est fait d'étoiles qu'on associe, mais en réalité, ces étoiles-là n'ont aucun rapport entre elles. Souvent, ce ne sont que des superpositions le long de la même ligne de visée. Et une très perspective, peu représentent quoi. Des regroupements physiques serrés. Il y a dans certaines constellations, comme si les gens qui connaissent la constellation d'Orion, les trois étoiles de la ceinture sont à peu près à la même distance de nous. Les étoiles qui sont dans l'épée d'Orion sont aussi à peu près à la même distance, à peu près 1500 années-lumière. D'autre part, les deux étoiles les plus brillantes, qui sont une à l'épaule qu'on appelle Rigel, une étoile très bleue, et Bételgeuse, qui est l'étoile très rouge, pas mal brillante aussi, qui fait un pied ou un bas de la jupe militaire d'Orion. Ces deux étoiles, elles sont à peu près 10 fois plus loin, 15 000 années-lumière, plusieurs milliers d'années-lumière. Et donc, on a des constellations, vous avez mentionné Cassiopée aussi, qui est une constellation qu'on voit dans le champ de l'hémisphère nord, proche de l'étoile polaire, qui aussi a des étoiles qui nous apparaissent de la même brillance, mais certaines des étoiles sont à des milliers d'années-lumière et d'autres des étoiles proches. Sont à quelques dizaines d'années-lumière. Autrement dit, on les verrait d'un autre angle et on verrait plus absolument. Du tout. Et d'ailleurs, avec le temps, vu qu'on circule toutes les étoiles, on circule autour du centre de la Voie lactée sur une période pour en faire le tour complet de 250 millions d'années, mais tranquillement, les étoiles autour de nous changent, un peu comme quand on est sur l'autoroute. C'est pas les mêmes autos qui sont autour de nous qui nous suivent, même si on s'en va tous à peu près dans la même direction. Donc, la forme des constellations change sur une très longue période et on parle de période aussi de quelques milliers d'années. OK. Mais par contre, en fait, toutes ces constellations que l'homme a imaginées depuis la nuit des temps, elles ont aussi servi à quelque chose, ils ont servi de repère temporel. Oui, oui. En fait, ça a toujours été d'ailleurs un excellent moyen mnémonique de se rappeler. Bon, les saisons, notamment. Oui. Oui, exactement. Ça va être le printemps, ça va être l'été, ça va être l'automne. Il est temps de ramener les moutons d'un autre côté. C'est ça. Donc, les transhumances étaient probablement déterminées par des moyens aussi simples que ça. Mais les constellations, finalement, les noms sont restés comme zone. Maintenant, le ciel est découpé plus avec des lignes, entre guillemets, là, de façon aussi arbitraire qu'on a divisé, par exemple, les provinces de l'Ouest canadien, oui. avec des lignes comme ça. Donc, ça, c'est l'environ et tout. Mais ce n'est plus tellement important. Aujourd'hui, on donne plus de noms étoiles, il y en a tellement. On donne finalement une identification par deux chiffres, qui est une position en nord-sud dans le ciel et une position en est-ouest qu'on appelle ascension droite. Et on donne évidemment ces positions avec une très haute précision. Donc, pour la plupart des gens, c'est impossible de se rappeler du nom d'une étoile par cette identification de position. Mais dans les catalogues par ordinateur qui relient des images à des positions et tout fonctionne très, très bien, en fait. Ou pour positionner nos télescopes, quand on va au télescope, dans un grand télescope, on dit pas d'aller dans Orion et tout, on rentre une position comme celle que j'ai décrite à plusieurs chiffres de précision. En fait, est-ce qu'on pourrait dire que toutes les étoiles qui ont été observées par les astrophysiciens ont été répertoriées avec leur position spatiale? Et oui, puis aussi, une référence, parce qu'on sait que la position spatiale varie au fil des... En fait, pas des ans, mais des siècles, hein, des millénaires. Et aussi même au niveau spectral, est-ce qu'on essaie d'analyser la lumière pour savoir quelle est la composition de l'étoile? En fait, c'est de grandes entreprises qui ont commencé à la fin du 19e siècle et qui se poursuivent encore aujourd'hui. On n'a pas cataloguer toutes les étoiles qu'on a observées. On a fait... Mais ça va venir. Va venir. Maintenant, on a des télescopes qui sont en train de le faire. À l'heure actuelle, on a fait des catalogues, entre autres, pour aider au pointage du télescope spatial, parce qu'il était très sensible. Donc, on a finalisé un catalogue après 1 milliard d'étoiles. On connaît la position. 1 milliard. Oui, mais... Et là, il y a un autre satellite européen qui est en train de déterminer pour à peu près ce même 1 milliard et d'autres en moins, d'autres en plus, et qui va donner encore des précisions beaucoup plus élevées que le catalogue qu'on a pour le télescope spatial, entre autres pour faire des suivis à long terme et voir comment ces étoiles se déplacent l'une par rapport à l'autre, qui est une dimension importante pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre voisinage. Et on parle d'un milliard, ce n'est que une fraction, moins d'1% de toutes les étoiles qu'on sait exister dans la Voie lactée. Mais ce milliard-là est à peu près le milliard de notre voisinage, donc on commence à en avoir pas mal. C'est une petite fraction. Ben, c'est un peu comme si vous êtes un résident de la ville de Québec. Bon, vous avez un peu identifié toutes les maisons de votre carré de rue et de tous les gens qui y habitent, etc. et tout. C'est un bon échantillon, mais ce n'est pas toute la ville. Et vous savez qu'il y a des maisons et il y a des gens qui résident sur une plus grande surface que votre carré de rue. Oui, tout à fait. Et oui. J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière, Jean-René, quand on parlait des constellations. Les constellations, en fait, est-ce qu'on peut dire que toutes les civilisations éparpillées dans le temps et sur la Terre ont reconnu les mêmes constellations? Est-ce que c'est quelque chose d'universel? Parce qu'on avait des objectifs de calendrier, entre guillemets, et un peu de temps, on a un peu tous pris les mêmes regroupements d'étoiles. Il y a des différences d'une civilisation à l'autre. Et en fait, vu qu'il y avait une continuité dans l'astronomie antique entre ce qui était fait en Mésopotamie, en Égypte, en Grèce et par les civilisations arabes qui, après le Moyen-Âge, ont pris la relève des Grecs. Donc, il y a une espèce d'héritage, une espèce de continuité qui fait que, en fait, personne n'a éprouvé un grand désir de changer les étoiles qu'on utilisait comme référence dans une certaine région du ciel. Peut-être qu'on les joignait, entre guillemets, différemment pour former un animal différent, un personnage mythique différent, mais en gros, il y a une continuité qui est assez étonnante et assez impressionnante d'un point de vue de de cette habileté ou désir des humains d'identifier quelque chose dans le ciel qu'ils reconnaissent. C'est sûr qu'il y a des constellations faciles comme la Grande Ourse, oui, en fait, qui a l'air d'un, oui, d'un chaudron. Oui, en fait, oui. La Petite Ourse est un peu plus difficile. Oui, tout à fait. Mais absolument. Mais il y a d'autres constellations qui sont moins évidentes aussi. Oui, et puis, en fait, on peut le voir, si vous allez dans l'hémisphère sud, les constellations l'ont été, entre guillemets, marquées ou dénommées à peu près au 17e siècle, entre autres par un abbé astronome français, Louis-Nicolas de Lacaille. Et là, il a identifié, déterminé que ça, ce groupe d'étoiles-là allait s'appeler le télescope, ça allait s'appeler l'horloge, ça allait s'appeler le navire, etc. Mm-hmm. Donc, des identifications avec des structures, des trucs plus modernes. Et là, vous allez vous rendre compte que, en effet, même si l'hémisphère sud est très riche en étoiles, vous vous rendez compte que les patrons sont un peu moins évidents. Et je pense qu'en bonne partie, c'est le fait que deux choses. Il y a tellement d'étoiles Donc, dans l'hémisphère sud, parce qu'on est plus proche, on est toujours plus facile de voir le centre de la Voie lactée. Donc, c'est un petit peu plus... Donc, il y a plus de combinaisons possibles, plus de patterns. Plus de combinaisons possibles, oui. Okay. Il y a peut-être des aspects simplement de même là-dedans. Là. On aime voir telle structure, tout le monde embarque et on est à bord de la même charrette. Oui, effectivement. On sait que notre système solaire fait partie d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et la question qui me vient, c'est combien est-ce qu'il y a d'étoiles dans la Voie lactée? Je l'ai mentionné plus tôt, c'est de l'ordre de 200 milliards. 200 milliards. Ouais. En fait, c'est pas compté directement là comme tel, c'est des extrapolations à partir d'observations d'un champ donné. On observe tant d'étoiles et on dit, bon, si on observait avec nos meilleurs télescopes dans toutes les directions, en ayant des techniques qui nous permettent de voir à travers la poussière, on arrive à peu près ce chiffre-là. Et il y a une autre méthode aussi qui est importante quand on observe les autres voies lactées, les autres galaxies. Oui. Il y a une autre façon de le faire qui est puissante aussi. Donc, si on prend, on calcule la luminosité, la brillance de tout l'objet, de toute la galaxie, et on oscille à sa distance et on dit que on se demande combien ça nous prendrait d'étoiles comme le Soleil pour produire cette luminosité. Okay. Donc, c'est une espèce de règle de trois qu'on fait à ce moment-là. Et c'est une méthode qui est utilisée énormément quand on observe les autres galaxies, parce que là, les compter individuellement, on observe que les étoiles les plus lumineuses dans les galaxies les plus proches. Donc, notre façon de compter des étoiles est limitée par rapport à ce qu'on peut faire dans notre propre forêt, c'est où au moins on voit pas mal d'arbres proches de nous. Oui, parce que il y a des arbres qui cachent d'autres arbres. Mais là, ce que vous voyez, quand vous regardez une autre galaxie, vous voyez plus les arbres individuels, ou très peu. Donc, vous voyez comme une grosse tache verte. C'est ça. Donc, vous pouvez dire, bon, je sais combien un arbre, ça fait combien de taches vertes, et quand j'en vois tant à telle distance, je peux dire il y a tant d'armes dans cette structure-là, dans cette galaxie-là pour les étoiles. Donc, vous avez dit 250 milliards, c'est bien ça? À peu près 200 milliards. Ça dépend. Milliards. En fait, c'est un petit peu difficile, là, on peut dire, parce qu'il y en a très peu d'étoiles très, très massives. Ouais. Il y a beaucoup d'étoiles comme le Soleil, qui est un peu le citoyen moyen, là, stellaire. Et il y a encore beaucoup plus d'étoiles qui sont moins massives que le Soleil, jusqu'à peu près 10 fois moins la masse du Soleil. Donc, plus les étoiles sont de faible masse, plus il y en a. Okay. Donc, il y a peu de grosses étoiles massives, énormément de petites étoiles. Donc, en gros, quand je dis c'est à peu près de l'ordre de 100 milliards d'étoiles, c'est à peu près comme 100 milliards d'étoiles à peu près équivalentes au Soleil. Donc, il y en a probablement beaucoup plus si on disait que toutes les étoiles seraient des étoiles de l'ordre de 1/10 de la masse du Soleil. Donc, c'est un moyen âge statistique qu'on fait ici. Là. Est-ce qu'il peut y avoir de l'interférence à cause des nébuleuses aussi ou des gaz? Non, ça ne nous empêche pas vraiment de... Okay. Les nébuleuses comme telles, ce sont plutôt, comme je l'ai mentionné, les nuages de poussière. Donc, il existe dans l'espace des poussières très ténues qui sont des grains microscopiques de graphite et de silicate qui bloquent littéralement la lumière ou qui l'atténuent énormément. Un peu comme dans notre atmosphère, il y a des poussières atmosphériques qui vont atténuer suffisamment la lumière du soleil pour que passe au coucher, on puisse même regarder le soleil, ce qui est impossible quand le soleil est au zénith par une belle journée. Ça fait. Quand il y a un feu de forêt, par exemple. Exactement, à travers la fumée, là. Donc, il y a des effets comme ça. Et d'ailleurs, il y a justement des étoiles plus lointaines. On peut observer l'effet de la poussière en voyant ces étoiles. Elles sont plus rouges qu'elles devraient paraître quand on regarde leur spectre comme tel. Et pour revenir à la question qui tue, en fait, notre grande question, maintenant qu'on connaît finalement le nombre d'étoiles dans une galaxie, combien est-ce qu'il y a de galaxies finalement dans l'univers? Donc, je voudrais revenir à l'introduction de que nous a fait Valérie sur le Gogol. Je trouvais intéressant d'abord, ça me rappelait qu'il y a 50 ans, j'ai écrit un article sur le Gogol dans Le Jeune Scientifique, qui j'étais en avant de mon temps, j'imagine. Et il y a, donc, elle parlait d'un Gogol qui est de 1 suivi de 100 zéros. Donc, oui. Et il y a beaucoup moins d'étoiles dans l'univers qu'un Gogol. 1 et 100 zéros, c'est énorme. Donc, dans l'univers, il y a à peu près, on va prendre, là, je vais répondre à votre question, combien qu'on estime qu'il y a de galaxies? À peu près 200 milliards. Donc, il y a à peu près autant de galaxies dans l'univers observables qu'il y en a que d'étoiles dans notre galaxie comme telle. Donc, si vous faites le produit des deux, ça vous donne à peu près 1 suivi de 24 zéros. OK. Donc, mettons, j'approxime. Donc, ça ressemble à une mol, ça, en fait, 6.023 par 10 à 23. Oui, c'est ça, oui. Donc, et d'ailleurs, il y a beaucoup moins de particules, même si on se met à diviser les étoiles en leurs atomes, tout en leurs atomes. Il y a à peu près 10 à 75 particules dans l'univers d'atomes comme tels. Donc, Gogol, c'est un chiffre énorme, colossal. Donc, rappelez ça. Donc, oui, et en effet, comment on détermine combien il y a de galaxies? Ça revient toujours à la même méthode. On prend des télescopes très puissants au sol ou le télescope Hubble dans l'espace. On regarde une petite région et on compte. Et là, à ce moment-là, quand on va très profond, dans un champ, on va voir un champ qui est peut-être 1% la surface apparente de la Lune, on va voir à peu près 10 000 galaxies, une ou deux étoiles qui appartiennent à notre Voie lactée. Donc, quand on arrive à des explorations comme ça, quand on se met à imager profondément, on voit dans des champs donnés beaucoup plus de galaxies que d'étoiles. Évidemment, on observe hors de la direction de la bande qui est la Voie lactée, parce qu'il y a beaucoup de poussière, c'est pas là qu'on voit le grand nombre. Donc, c'est par cette extrapolation-là. Mais le nombre de galaxies dans l'univers observable est quelque chose qui est peut-être plus difficile à déterminer. C'est que on peut observer le nombre d'étoiles dans notre galaxie a 100 000 années. Lumière de diamètre. Donc, on voit les étoiles. Les étoiles vivent généralement plus longtemps que 100 000 à la lumière. Donc, on voit les étoiles comme maintenant. Maintenant, quand on regarde les galaxies, on se rend compte qu'on observe ici, au proche de nous, à quelques millions d'années-lumière, à des milliards d'années-lumière et même à 10 milliards d'années-lumière. Okay. Et là, ce qui se produit, c'est quand on remonte loin dans le temps comme ça, et on peut voir, on remonte dans le temps avec nos télescopes en regardant de plus en plus loin, on se rend compte qu'il y a d'autres types de galaxies. Les galaxies qui sont là ne sont pas comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus de petites galaxies qui se sont assemblées, qui ont été mangées par les grosses. Donc, la population de galaxies, quand je vous dis... disons 200 milliards, je fais une extrapolation en comptant ce que je vois dans l'univers proche, jusqu'à un milliard d'années-lumière. Mais c'est quelque chose de bizarre, c'est que là, on commence à regarder plus loin, il y avait beaucoup plus de galaxies. Donc, strictement, il y a eu des études récentes fort intéressantes, si vous dites combien on peut voir de galaxies comme tel, en tenant compte de ces effets évolutifs. Et là, on peut pas nécessairement compter, il faut dépendre de calculs, de simulations. Là, on pourrait dire qu'il y a à peu près un trillion de galaxies. Donc, à peu près 5 fois plus que le chiffre qu'on base, si on se basait uniquement dans l'univers proche. Juste par le fait qu'en regardant loin, on commence à voir, c'est comme si je demandais combien vous avez de frères et sœurs. Je prends des portraits et tout d'un coup, dans le portrait change de quelqu'un qui met des photos de la famille de vos parents, de la famille de votre grand-père qui s'empile. Donc, la famille de François d'aujourd'hui n'est pas tout à fait comme la famille de François si je l'étale sur 2 ou 3 générations, comme nous, astronomes, on peut le faire en temps immédiat, l'univers du passé. On peut l'imager maintenant en regardant très, très loin dans l'espace. Complexe. Oui, effectivement. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, mais ça a été vraiment très intéressant, même fascinant. Donc, nombre d'étoiles, à peu près 1 suivi de 24 zéros. C'est ça qui beaucoup est un trillion. Moins qu'en Gogol. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, merci beaucoup, Jean-René Roy. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à Futur Simple. Alors, je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Nous allons faire une courte pause publicitaire bien méritée, après quoi Cyril Barrette va nous parler du jeu chez les animaux.